15 jours après, la couchée pouvait déjà se lever et reprendre son service. Malgré sa constante irritation, Julien avait repris des habitudes d'amour oubliées depuis leur retour de Corse, et il était rare qu'il passât 3 soirs de suite sans franchir la porte conjugale. Mais une nuit, appelant vainement Rosalie, Jeanne pénétra chez Julien violemment, fouettée par cette conviction qu'elle allait mourir et par le désir de le voir avant de perdre connaissance. À la lueur du feu agonisant, elle aperçut, à côté de la tête de son mari, la tête de Rosalie sur l'oreiller.